Section 42 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e, section 42. Croquis de février par Gustave Geffroy. Chapitre 2, bal masqué. Il est de mode, chaque année, d'affirmer que le carnaval s'en va et que les roses vont éclore. Mais toujours, les roses se fanent et toujours, le carnaval revient. On peut empêcher le bœuf gras de sortir de l'abattoir. On peut rester en stupéfaction devant un masque rencontré sur le boulevard. Rien n'y fait. Ceux qui ne veulent pas démordre de la recherche traditionnelle du plaisir se réunissent à huis clos, salle de l'opéra. Un débardeur de 1832 sort du magasin des accessoires. Le monsieur en habit noir suit avec un crêpe autour de son cerveau. Le gouvernement met des municipaux à cheval à la porte pour protéger l'immuable manifestation du rire national. Et tout le monde entre. Et l'on rencontre, sous l'horloge au rendez-vous, ceux qui manifestaient la veille l'horreur la plus profonde pour ce genre de distraction. Et l'on entend les gens qui remettent leurs paletots déclarer que cette fois-ci, ils ne se sont pas trop ennuyés. Sans doute ne s'est-on jamais amusé davantage et ne manque-t-il qu'un moraliste et un dessinateur travaillant d'après nature pour trouver l'aspect et la signification du plaisir de 1888. C'est vrai qu'on danse partout, de l'opéra aux boulevards extérieurs et de la rue Vivienne à Grenelle, ou plutôt, on regarde danser. L'homme d'aujourd'hui ne danse plus, qu'il ait les articulations rouillées ou qu'il soit envahi par la timidité. Il regarde danser. Il s'incorpore le rythme par les yeux et il déclare prendre assez d'exercice. Les choses se passent exactement dans l'endroit public, comme dans le monde. Il y a comme un fil invisible qui sépare l'action de la passivité. Dans le monde, il n'y a plus que les tout jeunes qui dansent. Les vieux jeunes gens fument et parlent administration. Au bal masqué, il faut payer les danseurs par le droit d'accès, par des consommations choisies. Il faudra bientôt ouvrir un guichet, tenir une comptabilité, solder les valses et les mazurkas. Qui n'a pas vu les huissiers de l'opéra ramener violemment au centre des opérations les paillasses et les colombines en rupture de quadrille? Qui n'a entendu ces forçats du carnaval administratif s'épuiser en objurgations, faire valoir des heures et des heures de déhanchement et de grands écarts? C'est à penser que bientôt ce seront les raflés du dépôt et les condamnés de la petite roquette qu'on amènera en voiture cellulaire au greffe des lieux de plaisir et qu'on attachera à des piquets avec l'injonction d'obéir toute une nuit au bâton du chef d'orchestre. Les choses prennent cette tournure. Les désœuvrés veulent bien regarder en orientaux, mais jamais plus ils ne consentiront à entrer dans la danse. Iront-ils même regarder dans quelque temps? Il est fort possible que non. À l'opéra, le couloir des premières loges est autrement fréquenté que la salle. C'est que dans le couloir, les silhouettes et les occupations sont davantage intéressantes. Les éclats blancs et les taches noires se croisent, s'accrochent, se confondent. Des yeux prennent du charme au velours des masques, des sourires s'atténuent mystérieusement sous les barbes des dentelles. La lumière, pas trop vive, change un peu la vulgarité vivante en une crépusculaire promenade d'ombre. Des filles se sauvent avec des allures de très grandes dames, poursuivies dans les corridors de la tour de Nesle. Il y a des accotements et des conversations dans des coins qui font songer à l'installation d'un drame intime ou d'une comédie spirituelle dans une figuration bien réglée. Des portes de loge se ferment sur des gaietés mal en train et sur des indignations pour rire. Des têtes de vieux font songer à des affûts de satyres dans des bois. Chérubin passe avec une fleur à la boutonnière et un chapeau mécanique sous le bras. Toutes les femmes ont le bénéfice de l'incognito. Chacune cherche à être autre chose que ce qu'elle est tous les jours de l'année. Elle sait, avant de venir, essayer de conjuguer tous les temps du verbe intriguer. C'est la banalité costumée, mais c'est le geste composé, la raideur voulue, la voix changée, le regard retouché. Celles qui n'ont pas travaillé à styler leur personne sont rares. Les efforts veulent atteindre des distinctions ou des ingénuités admirées au théâtre. Des promeneuses classées et numérotées savent garder le silence et montrer des pudeurs. Le couloir de l'opéra est peut-être le seul endroit de Paris où 4 fois par an, la grossièreté s'apprenne à marivauder, où la galanterie consente à être aimable. Il y avait au dernier bal, sous l'horloge du foyer, confortablement installée entre les coussins d'un canapé, dans la pleine lumière qui tombait des lustres, un monsieur, le monsieur en habit noir, qui dormait profondément, les jambes étendues, les mains croisées sur le ventre, un chapeau très haut de forme sur la tête. C'était le vrai sommeil, le sommeil de plomb de l'homme fatigué, que rien ne peut interrompre. Les traits étaient figés dans une immobilité absolue. La bouche était sérieuse. Il avait arrangé sa place, trouvé ses aises, s'était installé comme quelqu'un qui a pris un parti après de sages réflexions. Ni le tapage mené par l'orchestre dans la salle, ni la marche des gens dans le foyer, ne donnaient un sursaut ou une contraction à ce dormeur symbolique. D'ailleurs, cette manifestation semblait si raisonnée et si sincère, l'attitude de l'homme était empreinte d'une telle modestie et d'une telle tranquillité que par un accord tacite, tous ceux que l'allée est venue de leur promenade ramenés vers cette banquette, ralentissaient le pas et baissaient la voix. On passait doucement, en jetant des regards d'envie, vers le monsieur en habit noir. Ces bals de l'opéra, si courus, si encombrés par la foule, de minuit à 4 heures du matin, sont peut-être, en effet, la plus significative manifestation de la grande tristesse moderne. Chacun y allant, avec l'intention bien arrêtée de s'amuser de la gaieté des autres, y apporte une préoccupation au lieu d'un contingent de rire et d'esprit. On attend 3 heures, 4 heures, en se donnant l'assurance qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. On est persuadé que brusquement, la folie va bondir avec un bruit de grelot et va forcer le monsieur qui s'ennuie à faire des mots à la gavarnie. La folie n'entre pas, et on regarde toujours. La salle est tumultueuse, mais le foyer est morne, sans qu'un mot d'ordre ait été donné, par pur esprit de discipline. Tous ces gens, qui sont venus là pour y trouver le plaisir irrégulier, se sont mis, sans mot dire, les uns derrière les autres, gravement et cérémonieusement. Un ordre parfait s'est établi, et tout le monde marche en silence, d'un bout à l'autre de l'immense galerie. Et quand on a fini, on recommence. Dans ce costume qui a été inventé pour exprimer visiblement le deuil de notre esprit, habit noir et cravate blanche, claque à la main. On suit les femmes comme on suivrait des corbillards. Les heures passent ainsi. Rien n'arrive. On se décide à s'en aller et on descend le grand escalier en bâillant, avec des attitudes de blasés. Il en est ainsi pour tous ceux qui vont au bal de l'opéra avec l'intention trop arrêtée d'être tout à la joie. Pour ceux-là, la polka de Farbach sonne bientôt comme un glas ironique, ce qui ne les empêche pas de venir, chaque année, donner l'appui de leur présence à l'immortelle institution consacrée par l'ennui des générations. Et c'est le sentiment de cette majorité qu'exprimait avec tant d'autorité le monsieur qui dormait dans le foyer. Mais d'autres se plaisent dans ces lieux désolés, ceux qui vont là, sachant qu'ils y trouveront l'ennui, qu'ils y apporteront leur ennui propre et qu'ils y contempleront l'ennui formidable du Paris qui s'amuse. Ceux-là, tous les distraits, tous les charmes, la lumière qui emplit l'immense salle, le grouillement multicolore de la foule qui piétine, ondule, marche, court, saute, se meut en cadence, les envolées de notes qui s'échappent de l'orchestre, comme les fusées bruyantes d'un feu d'artifice de fête populaire, la sauvagerie des mélodies qui règle le besoin de crier et de se mouvoir de la foule dansante. Celui qui consent à ne pas venir là pour se livrer à la folle recherche de la femme du monde qui vient au bal de l'opéra tous les 100 ans, suivant le mot féroce des Goncourt. Celui-là est pleinement satisfait quand il a vu le spectacle des couleurs vives qui bougent, passent, repassent et finissent par se confondre en un tout bigarré et adouci, blond et lumineux. Il se retire, heureux comme le tout Paris ne l'a jamais été, avec le souvenir d'une valse ou d'une polka qui aura fait tourner ou sauter toute la salle. Une année, la fête musicale fut plus distinguée que les années précédentes. Des tziganes, placées dans l'avant-foyer, retenaient le promeneur, qui se soucie peu de mener une intrigue en règle avec la bonne qu'il rencontre tous les jours dans son escalier, sans domino et sans mantille. Nous nous rappelions, en écoutant les musiciens bohèmes de l'opéra, les heures passées à l'exposition de 1878, sous le toit de chaume de la Xarda. C'étaient les mêmes airs que l'on écoutait en buvant les vins couleur paille de Budapest. C'était la même fantaisie savante, la même furie correcte. Les violons attaquent avec une brusquerie bizarre. Les transitions ténues, les arrêts soudains mettent les reprises en valeur et le flot harmonique vous assaille de nouveau, secoue, exaspère vos nerfs. Des airs nationaux résonnent avec des clameurs de voix humaines, des accents d'hommes égorgés, des joies débordantes de vainqueurs. Les cordes des violons pleurent sous les archets, des éclats stridents jaillissent, des phrases aux enroulements sans fin succèdent aux notes bien détachées. Au milieu des musiciens, le tympanon vibre avec des sons cristallins qui ajoutent leur charme tremblant aux brèves mélodies. Quand on a la jouissance rare de cette fête sonore et délicate, on peut rester là jusqu'au matin sans se lasser, jusqu'à l'heure où le monsieur qui dort dans le foyer regarde l'heure à la pendule des rendez-vous et s'en va avec la satisfaction que donne le devoir accompli. Dans la salle, on saute toujours, on saute avec rage. C'est toute la nuit, le labeur forcené qui prend les allures d'une trépidation joyeuse et l'on songe aux paroles d'une gaieté amère que prononce l'homme du monde philosophe au premier acte de Henriette Maréchal. Voilà 2000 femmes, comme Diogène. Elles cherchent toutes un homme. Il y en a 359 qui ont leur montre au mont de piété, 540 et une qui ont besoin de payer leur terme, 623 qui veulent se meubler en palissandre, 122 qui ont envie de louer un coupé au mois. Il y en a à l'heure qu'il est 1200 qui ont soif, et demain matin, sur le coup de 6 heures, les 2000 auront faim. Ce sont là les réflexions qui viennent à ceux qui rêvassent une philosophie dans le bruit de la musique mêlée au bruit des voix, dans le remuement des couleurs, dans le mince inconnu possible, dans la grâce qui peut subitement se lever de la mélancolie du plaisir. Quelques-uns de ceux-là qui aiment, après ces fatigues des yeux, à causer longuement autour d'une table de restaurant, dans la fumée des cigarettes, s'étaient réunis à la sortie d'une de ces dernières fêtes masquées. Ils s'étaient mis d'accord qu'on pouvait feuilleter les anciennes collections et regarder les réalités d'il y a 5 minutes sans trouver d'appréciables changements. Ils s'en fournissaient comme preuve que dans tout ce qui était crié, dit, chuchoté, on trouvait de quoi accompagner les attitudes et les gesticulations, de façon à donner parfois l'illusion suffisante de l'esprit et de la gaieté. 100 phrases, 1000 phrases ineptes, certes, mais de temps à autre, une légende possible. Et l'on citait le Pierrot, entrevu tout à l'heure, un Pierrot pauvre, ratatiné et grelottant, filant le long des murs, tout blafard et tout funambulesque, dans le gris du matin, et grommelant dans sa colérette un « j'ai tissué », si convaincu et si admiratif. Et un autre racontait ce court dialogue entre deux hommes et une femme, les deux hommes vantant ou réclamant vaguement la fermeté des gorges et des épaules, et la femme, une ironique et désenchantée personne, répondant simplement d'une voix tranquille, routinier. C'est vrai que Gavarni aurait bâti deux beaux dessins au-dessus de ces deux mots. Fin de la section 42, lue par Margot.